Planète Rap. 100% rap français. Et c'est parti pour la nocturne 100% rap français sur Skyrock. Et vous le savez, la nocturne, on aime voyager. Aller dans le sud, à l'est, à l'ouest. Et ce soir, on va faire un tour dans le nord. Avec Monsieur Virus au contrôle, bienvenue. Oui, bienvenue, merci à toi. Bon, ça va? Ouais, ça va très bien, et toi? Bah écoute, parfait, parfait. Je le disais, on aime bien voyager. Alors c'est vrai que moi, la première fois que je t'ai entendu, je crois que c'est Leslie Jack qui m'envoyait des sons de toi, qui me disait, yes. Franchement, il y a un gars qui est en train de tout défoncer, il sort des mixtapes, gratos, on peut les trouver et tout. Exact. Et puis là, il sortit un projet, yes. Depuis quelques jours maintenant. Ouais, Minuit. Minuit. C'est mon troisième projet solo, premier mini-album. En fait, j'ai sorti deux EP gratuitement avant, et là, c'est le troisième projet, c'est un peu la concrétisation du truc, on va dire. Bon, bah, alors, ce que je vais te demander déjà pour tous ceux aussi qui vont le découvrir ce soir dans la nocturne, c'est un petit CV express, d'où tu viens, ce que t'as fait. Bon, tu nous le disais, là, t'as sorti des projets. Ouais. Et vers où tu vas? Alors, Virus, originaire de Dunkerque. Mmh. On dit DK, hein, dans... DK, ouais. Ouais. DK. Ouais. Donc, voilà, je rappe depuis... je suis dans la musique, on va dire, depuis petit, dans le rap depuis petit, mais je rappe depuis, on va dire, allez, mes 16-17 ans, les premiers projets, etc. Ça s'est concrétisé en 2011 avec le premier projet Nouvelle Aube, donc en téléchargement gratuit. Et en 2012 avec un projet Apex aussi, sur lequel tu pouvais retrouver donc Alpha One, qui est à mes côtés présent ce soir. Et bah oui, on va le saluer. Il est venu, il est là aussi, Alpha One, qui est là. Ouais, je voulais me cacher. J'ai l'impression que t'es récurrent dans la nocturne tout le temps, en fait. C'est toi, tu viens l'inviter tout le temps. Bon, on va commencer à faire un forfait pour que je puisse passer chaque soir, alors. Tous les soirs, on va voir ce que j'ai à dire. Ces derniers temps, le forfait, il va coûter cher avec toi, là, parce que t'es venu souvent ces derniers temps. Ouais, on est là, on représente à fond, on représente à fond. Donc, Alpha One, ouais, ça a été une belle rencontre, a priori. Ouais, ouais. Très belle rencontre. Et ensuite, il y a eu aussi Nemir, avec qui on a fait un morceau sur Apex. Il y a eu DJ Sec de Time Bomb. Il y a eu Perso du Turf, donc originaire du Sud, Avignon, Marseille. Ouais, pas mal de collaborations qui m'ont permis de grandir un petit peu, d'évoluer un peu. Et puis là, on va dire que toutes les connexions qui ont découlé de ces deux premiers projets, elles se retrouvent, on va dire, sur ce troisième EP, parce que c'est sensiblement les mêmes invités, en fait. C'est toujours le même noyau qui reste, en fait. Et bah oui, il y a Alpha One qui est dessus aussi, qui est présent. Un morceau qui s'appelle Crack, qu'on pourra découvrir. Avec SPM aussi. SPM. Le très talentueux SPM aussi sur le morceau. Et bon, on va en parler pendant une bonne heure. C'est toi qui prends le contrôle de la nocturne. Allez, c'est parti, coup d'envoi. On va balancer des sons pour mieux faire connaissance avec toi. Peut-être, yes. On débute avec tes morceaux, je suppose. Yes, avec un morceau extrait du mini-album qui s'appelle Œuvre d'art. Donc c'est produit par Ikaz. Aussi est un beatmaker très talentueux qui a collaboré notamment sur le dernier Joke, On est sur les nerfs, qui a fait pas mal de prods aussi pour Jimber Bigot, et qui est l'artisan principal, on va dire, de mes prods sur les trois projets. Allez, coup d'envoi de cette nocturne maintenant. Œuvre d'art. C'est Virus, avec vos messages 41759 et le hashtag la nocturne. Dure. Je fus designé pour les grands écrans, la stature des plus grands des temps. Je suis frais depuis le temps des francs. Je m'en défends pas, un empire veut grandir, je me dédie à la magnificence. Je suis comme la haute couture sur Paris Milan. Je suis dans les temps, dans l'échange, la merde et la merveille, hein. Je suis insolent comme faire la guerre, ça paie en Hermès, hein. Je suis trop politique ou trop prolifique, trop honnête. Je renvoie ton futur au néolithique. Et je suis un désastre parfait. Un désastre dans cet art, quelques phases. Et je désaxe l'abstrait. Je fais plus qu'écrire des rimes, je dépasse le cadre des lettres. Je donne pas de leçons, mais ma classe dépasse le taf d'élève. Je ne fais rien d'autre qu'exceller, je suis Givenchy. Précis et rare comme les pyramides de l'Égypte antique. Je suis un crack sans risque. Minuit sans la noirceur. Je suis un schéma, un tableau, une galerie à moi seul. Vu, c'est plus qu'un salut pour mes œuvres d'art. Contraint à devenir ce que je dois être avant que mes refs ne partent. Ah. J'ai trop travaillé, prodige depuis des années. Près du vide pour ne pas finir médaillé. Kismé. Car j'ai gagné, puis j'ai perdu. J'ai grandi dans l'amertume pour pas mendier la verdure. C'est plus qu'un salut pour mes œuvres d'art. Je dois devenir ce que je dois être avant que mes rêves ne partent. Je ne rappe plus, je crains les conséquences et j'y marche de longues séquences. Alors au fond, je ne rappe plus, je peins le tableau de mon époque. Il est plein d'excès de minots dingues qui rêvent tous de kilos à la Nino Brown. Personne ne rêve sa vie assis sur les bancs. Donc très vite, rêve d'un assis et d'un garci sur les champs. Je te donne l'image comme le pinceau sur la toile et la vie vraiment. J'ai le prestige et l'esquisse de Michel-Ange. Je mesure mes propos. Peinture photo, je veux viser grand. Mon nom sur des chèques et mon faciès sur des billets de banque. Bref, je suis une œuvre d'art. Toute mon histoire au bout des phalanges. La valeur comme la résine sous les calandres. Pour ma part, je reste sobre que du propre avec moi. Je veux des apparts avec 20 pièces, des costumes avec 3. Des frères de principe, des gaines de prince. C'est ainsi qu'on voit l'avenir. Berlin en tracite, italienne comme de Vinci. Je reprends mon souffle pour les dernières touches avant la fin. Cobain pour son dernier shoot. Dernière épreuve. Ma perception est pleine d'imperfections, mais c'est dans la merde que naissent les chefs-d'œuvre. C'est plus qu'un salut pour mes œuvres d'art. Contraint à devenir ce que je dois être avant que mes rêves ne partent. J'ai trop travaillé, prodige depuis des années. Près du vide pour ne pas finir médaillé. Car j'ai gagné puis j'ai perdu. J'ai grandi dans l'amertume pour pas mendier la verdure. C'est plus qu'un salut pour mes œuvres d'art. Je dois devenir ce que je dois être avant que mes rêves ne partent. Grosse casse des Daïkas pour cette prod. Aux Opéra Puccino. Parce que t'as vu des gueules, dans ta vie tu dis t'as du vécu. Mes mots te perdent son âme tant ils sont aigus. Tu me fais flipper comme un docteur qui me dit que je vais mourir. Et pour un jour guérir, faut pas que j'y compte. Ou les deux fois où ta femme a crié, la première fois quand elle a vu mon jouet, la deuxième fois quand elle a joui. Tu me fais flipper comme les Renoirs réunis en soirée qui se niquent chaque week-end pendant que les flics se moquent de leur poire et m'illuminent. Au squat bleu, veulent éliminer mes potes de longue date et moi. Parce qu'on n'est pas d'ici comme Spock. Quoi, t'as pas encore peur? Attends un peu. Le second couplet, je l'ai écrit au feu. J'ai eu peur d'appeler les sapeurs-pompiers quand j'ai entendu dire que tu voulais pas me payer. Je mélange tes cauchemars et leurs rêves brisés. Leurs noirs, rime ma mère ou à mourir de rire. Je mélange mes cauchemars et leurs rêves brisés. Leurs noirs, rime ma mère ou à mourir de rire. Je mélange tes cauchemars et leurs rêves brisés. Leurs noirs, rime ma mère ou à mourir de rire. Je mélange tes cauchemars et mes rêves brisés. Leurs noirs, rime ma mère ou à mourir de rire. Je me fais flipper comme mon avenir, comme ma mère a besoin d'une. J'en file pas car je tarde à faire fortune. Tu me fais flipper comme cette pétasse enceinte qui me dit le perdu. Gosse, si j'assume pas, je suis perdu. Ou comme ce flic disant, c'est ta parole contre la mienne, hoax. Pour cette injure, tu prendras 10 ans. Tu me fais peur comme ces beaufs qui se bourrent au pastis. Nous goûmes de la fenêtre en mastiquant du camembert. Ou comme la clique à Poisquin, si j'étais DJ ou Dell. Un vilain hiver qui me demande si je te figeais. Ça me fait flipper moi-même, flipper comme un Jean. J'en perds mes mots, permets-moi de te dire. Tu me fais flipper comme Time Bomb au Mike. Black millionnaire en bas de survêt, chaussettes Nike. Time Bomb. Ox. Je mélange tes cauchemars et leurs rêves brisés. Leurs noirs, rime ma mère ou à mourir de rire. Je mélange mes cauchemars et leurs rêves brisés. Leurs noirs, rime ma mère ou à mourir de rire. Je mélange tes cauchemars et leurs rêves brisés. Leurs noirs, rime ma mère ou à mourir de rire. Je mélange tes cauchemars et mes rêves brisés. Leurs noirs, rime ma mère ou à mourir de rire. Tu me fais peur comme un père immigré qui se demande s'il a vraiment tout fait pour ses gosses. Mais reste sans réponse. Tu me fais flipper comme l'exorciste. Sauf que là il s'agit de tes faux cheveux et de leur prix exorbitant. Tu me fais flipper comme ces femmes qui se disent pleines d'amour pour leur mettre des couches avec tout ce qui bouge. Ou comme mes potes perdus dans la tête, comme des boy scouts sans boussole qui se bousculent au fond du gouffre. Maintenant je flippe pour la simple raison que tout ce que j'ai cité avant est si réel que c'en est effrayant. Ou quand le rêve brisé du vieux devient le pire cauchemar du jeune rêveur. Ça C'est la nocturne avec Virus au contrôle. Ouais. Ah ouais, ça cut d'un seul coup, hein, les gars, hein, sur morceau d'Oxmo Peur Noir qu'on écoute à l'instant. Donc ça, c'est quoi? Ça fait partie des morceaux cultes que t'as saigné, l'album d'Oxmo? Ouais, voilà, clairement. Ça correspond, comme j'en parlais avec mon pote le Seigneur en personne, à, quand on était en Algérie ensemble. On écoutait cet album comme des ouf. On avait quoi, 15-16 ans, je pense. Mm-hmm. C'est un album, ouais, que mon grand frère m'a fait découvrir quand j'étais petit. Je suis un peu passé à côté parce que voilà, c'est un album mature de ouf. Mm-hmm. Beaucoup de vocabulaire et tout. Et c'est des albums que plus tu réécoutes, plus tu comprends. Mieux tu comprends, du moins. Et ouais, donc ça correspond, ouais, à, au moment aussi où j'ai voulu me mettre vraiment dans le rap. Et c'est un des albums qui m'a grave influencé, on va dire. Ouais, ça fait partie, quoi, de la filiation sur l'écriture, etc. Ouais. Sur la façon de jouer avec les mots d'Oxmo. Ouais, voilà, la poésie. Et puis c'est aussi un des premiers rappeurs qui m'a montré, en tout cas pour moi, que voilà, tu pouvais être très Kaira en étant très classe, en fait. C'est ça le délire. C'est ce côté-là décalé que j'ai kiffé chez lui. C'est que il n'y avait pas besoin de crier pour faire mal, en fait. C'est un truc que j'ai gardé, en fait, en mémoire. Bon, le garçon qui est avec nous s'appelle Virus. Il y a son projet qui est dans les bacs, qu'on peut aussi télécharger légalement, hein, je précise, on peut aller cliquer. Ouais. Il faut aller soutenir, c'est important, c'est vrai, parce que on disait, toi, tu viens de Dunkerque. De Dunkerque, ouais. Tu sens d'ailleurs une difficulté ou pas pour essayer de mettre au niveau national tes projets, de balancer tes morceaux? Honnêtement, non, avec Internet, je pense que c'est un peu ouvert à tout le monde. Et puis, je pense que si tu travailles, que t'essayes d'être sérieux et de bien te structurer, il n'y a pas vraiment de différence. Enfin, on peut dire que ouais, il y a moins de concerts, il y a moins d'événements. Encore que le Nord, ça va, on est une zone où c'est assez bien représenté. Mais je pense qu'avec du travail, en vrai, en étant intelligent et en essayant de faire les choses bien, il n'y a pas vraiment de grosse différence. Et il y a plein de talents aussi. Il y a plein de talents aussi en province, que ce soit dans le Nord ou partout ailleurs, quoi. Et pour les connexions, alors, c'est vrai qu'on a parlé d'Alpha One, c'est pas la première connexion que tu fais avec lui. T'as parlé d'In Burbigo. Ouais. C'est quoi? C'est quand ils viennent en concert qu'à un moment t'essaies d'être là? Non, c'est les toutes premières rencontres, plus Internet? Ouais, Internet, vraiment, en lâchant mes premiers sons, voilà, il y a des gens proches de leur cercle qui sont peut-être tombés sur mes sons, c'est venu jusqu'à leurs oreilles, vice versa. Et puis voilà, c'est surtout comme ça que c'est fait. Internet, ça a été grave un tremplin. Il y a que Némir que j'ai rencontré lui en vrai à un concert. On a parlé, ensuite on est resté en contact. Mais sinon, la plupart des gens que j'ai rencontrés sur mon parcours, c'est via Internet, via les premiers morceaux, les premières vidéos que j'ai pu faire. Et puis voilà, après ça s'est développé naturellement, on va dire, le réseau. Donc Alpha One qui est là, toi, tu te souviens des premiers messages de Virus ou pas? Parce que je suppose que t'en reçois plein, toi, forcément. Ouais, mais je crois qu'en fait j'avais vu ce qu'il avait fait et que je l'ai vu en fait dans la vraie vie et que je lui ai dit, j'ai vu ton clip, c'est charmé. Et puis après voilà, on s'est connecté. Ça s'enchaînait. Ouais, je lui ai pas dit sur Internet j'ai kiffé. Et on s'est répondu pendant 10 ans et non, je sais pas, on s'est croisé et on se validait déjà et puis voilà, c'était logique. Et bon, on va écouter des extraits maintenant, peut-être de Minuit. On va repartir sur quoi, Virus? Là d'abord, on va écouter un morceau d'un mec de chez moi qui s'appelle Posé Manifeste. Donc très très talentueux rappeur de chez moi. Donc je voulais voilà faire partager, ouais, mettre en avant, ouais. Mettre en avant un peu parce qu'il a peut-être pas l'exposition qu'il mérite. Un morceau qui s'appelle Mon regard sur l'aube. Allez, c'est et parti. Il y a DJ Lo qui vient d'arriver dans les studios, je vois. Et qui n'a rien perdu de sa superbe de chaque jour. Ouais, non, magnifique. Magnifique, nouvelle classe, nouveau look, bien. Bonjour. Allez, c'est parti. Virus au contrôle, le projet s'appelle Minuit, il est dans les bacs ou alors téléchargeable légalement. Virusmc.fr. Ouais, virusmc.fr aussi pour le trouver. Allez. À l'instar du système qui s'inspire de sa meilleure cellule, car c'est par elle que tu commences, qu'elle naissent les modes et les gens. On va aider à l'œil du cyclone nous observe et retranscrit l'image de nous-mêmes remodelée par le rêve pareil au bétail qu'on alimente de sa viande en farine. Le naturel est hors de prix, le goût n'est plus que synthèse, les saveurs anarômes chimiques. Les valeurs n'ont plus d'or, sont nos travers qui rapportent. Alors on se plaît à faire les porcs depuis que la délinquance est à la bonne. Les émeutes de novembre, hormis le sacre pour Harry, n'ont eu de moi agi sur ma vie. On me juge toujours au faciès pour un appart. Donc pour ma part, cramer des bus pour qu'on en parle dans des crédits divers. Je donne du crédit qu'aux campagnes, les politiques, les trottoirs incandescents n'ont eu d'empreinte sur mon discernement qu'à travers les conneries que j'ai pu y commettre. Cela dit, la violence ne fut jamais l'une de mes aumônes. En faire l'étalage sur mes pages ne serait comme ça les ripaumes. Je me fous de ce respect qu'elle a dans scène que les signes extérieurs de richesse. Et si je dois rouler ma bosse entre autres billets, les sens et les consens des arsons et bergers qui trompent leurs troupeaux pour mieux se vêtir de leur naine, même en plein hiver. Le rap n'est rien plus qu'une soupe que l'on sert à des enfants en âge de jouer encore à la marraine. Le langage souillé par une obscénité gratuite qui serait soi-disant sa marque de fabrique. Il abrutit également à l'adolescence en hurlant l'amour du gun à la bouche, en faisant des halls à l'endroit à la mode et en élevant ou rendre grande star des gus qui ont la tôle en guise de résidence secondaire, suivant l'image de la jeunesse. Et m'a pas vanné dans la peau d'une racaille comme pour se cacher derrière la peur qu'elle éveille dans le regard des petites vieilles, mais qu'elle mérite à être mauvais. Quand nos pères ont gagné le respect en se tuant à la tâche pour un peu de pain sur la table et un problème au troisième lombaire. Donc on s'espère tellement on sait plus où donner de la tête, pris entre les croyances des ancêtres et les cuisses de cette fille ouverte jusqu'au nombril. On mélange le bon et le mauvais, nos esprits sont en face DJ, ils en ont fait un mix au point d'aller prier le vendredi, mais à peine sorti s'envoyer des spliffs dans l'appart à Thierry sur un fond de musique maudite. Faire la morale à nos sœurs pour qu'elles ne salissent pas l'honneur des vieux, mais défonce le boule de celle qui s'est restée vierge jusqu'au mariage. Ne mange que halal, mais fais pas le crevard sur la Jack Daniel. Je veux pas ton porc, c'est haram, mais putain qu'on mange, me t'as pris bien ta nièce. Nos principes s'arrêtent à la braguette, on a quand même peur de l'enfer. On regrette juste qu'il n'y a pas un trafic de Hassanet. Quoi, c'est entre deux cultures enfermées dans notre bulle. On souhaite que notre femme porte le voile, mais qu'elle ne soit pas contre qu'on encule. Ni français ni africain, on s'habille et mange ricain. Crache sur Israël, mais dans les textes, aime faire l'éloge des flingues. Posé manifeste, DK. Mon regard sur l'aube. Mon regard sur l'aube. Aller vendre des trucs bidons à des gens crédules, ou enfoncer l'autre pour gagner honnêtement ma vie. Si c'est ça l'honnêteté, alors moi je choisis le mal. En fin de compte, notre problème en lui, c'est qu'on n'a pas appris à enfoncer l'autre sans souffrir. Le tonton. Et quand on a choisi quelqu'un pour notre arnaque, c'est qu'on l'estime et qu'on l'a reconnu comme quelqu'un de bien. Voilà, il faut que tu saches ça. En fait, à part dormir, glander, décoller toute la journée sur les bancs du quartier, tu sais rien faire d'autre. Ouais, mais moi je les ai pas construits ces bancs, même si de temps en temps j'ai mis mes fesses dessus. Voilà, j'ai pas eu le choix. Mes amis, c'est les seuls que j'ai. À ceux qui m'appellent enculé, je voulais dire que la première fois où ma main a touché un mic, je voulais rire. J'avais 15 ans, à peine je crois. C'est drôle, c'est comme on me croit, rêve. Une grosse croix sur ma vie plus tard. Voir ce qu'on aime, plein de soucis, ça fait trop de peine. Et comme les peines ne viennent pas seules, dans le bus, je revois ma tante visiter son fils, purger une lourde peine. Mes camarades classe, le mercredi au catéchisme. L'église, la place, mon frère et moi, on faisait du vélo en face. Une famille rouge, mon grand-père n'a jamais cru en Dieu. Peut-être Dieu lui a volé ce qu'il aime le même jour, lui laissant qu'une paire d'yeux. Perdu parmi les immigrés de Naples et les environs du Vésuve, on se comptait les vives violentes des darons crucifiés comme Jésus traumatisé. Tous en barre, tabac, visage découvert. P38 explose, la tête visée, du sang tout couvert. Moi, bouche bée, virage dans le passé, ce jour-là, je compris tout. En regardant les autres se conduire comme si c'était rien, bah c'est merde. Instinct de voyage, spiré de là, loin des histoires de jeunes assassinés le jour de leur mariage. C'est dingue, putain, tu lâches, crache le venin. T'as dream en pipeline, du free time. Au son de mon Walkman, je répétais Alzheim. Que j'ai traité mal, je m'excuse, tu sais, j'avais rien à offrir sans amour. Juste un autre jour à souffrir, rien de plus. Juste un autre jour à se faire chier, à mourir comme d'hab. Et là, je fais pénitence, cloître dans mon lab. Je revois des potes d'avant, je parle des petits. On me parle des Rolex, puis le silence. On regarde la montre, même si on se sépare. Disons qu'on reste collègues, ex-frères, de fait, la vérité. Aujourd'hui, je crois qu'on a plus rien à se dire, c'est bête. Adulte à 9 ans, j'ai fumé ma jeunesse. Là, je n'y regrettais cette perte, je n'y. Mais je compte 7 ans de gâchis, et tant bien que mal, je me dresse. Le stress, moi, sans parents, sans guide, sans parents. Je me suis tellement effacé que j'en suis devenu transparent. Je voulais être comme eux, draguer les Mitch, craquer les francs devant, mais le vent, mes potes, draguer les riches. Sans sentiment de naïf, un méfiant, de méfiant, paranoïaque. La rue plus la paraffine, 30 trop nerveux et l'estomac plein de Prozac. Avec les filles, j'ai foiré aussi. Tu vois le problème, à force de fréquenter les clubs, tu crois que c'est con d'arnaque ton pollen. Quand elles attendaient de moi un peu de passion, je comprends. comprenais pas. Y avait dans le magasin que stress et pression. À traîner là où les patates se perdent, on encaisse, couche close. Et la vision se déforme, on rêve des lions, on s'engraisse, couche rose. Puis, on se trouve où les ennuis sont. Des démons s'amusent, Marseille la nuit, c'est comme avoir sa figure brun en anus. Quand ça arrive, ferme les yeux, essaie de rigoler. Parce que le pognon ne prend pas la santé que cette vie tient à voler. Parfois j'ai des nausées, et des soirs ma poitrine se comprime. Ce qu'il faut comprendre, on prend des comprimés. Faut croire que je déprime. Je te jure, je flippe, comme j'ai flippé cette fois, sauvé par la veine. Ce putain de soir d'été, où ils m'ont tiré dessus au matin. Moi je te vis le peinard, mais je traîne, je vécu le boulet. Et les barils pleins de moulaya que j'ai vu, c'est pas en écrivant que je les ai trouvés. Ça c'est chill, 30 ans, pas de bluff, lyrics de dard, on clap, histoire vraie. Action, pas d'invention, de fanfaron du rap. Famille dure, on vit devant des exemples durs, on n'a pas le choix. Sous les jets de pierre, tu portes cette zig, c'est mon chemin de croix. Quand je t'en amène franco, je t'en amène bon cœur. Frère, si je suis si gentil, c'est que j'ai vu trop de gars qui blissent, blessent dans le cœur. Trop de gens qui portent le mal, comme je t'apporte cette nouvelle. Je t'apporte mon cœur ouvert, comme des faux frères, t'apportes leur poubelle en prose. Primus de petits gars maigres solitaires, à l'origine solidaire. À goûter le miel, trop de frères attrapent le verre solitaire. Oh les gars, vous avez vu comment il a fait? Le bâtard là qui est parti, tu as vu ce qu'il a fait? Marseille. Et tous les jours c'est la même chose, hein? Dès que je sors du quartier, il y en a un qui faut qu'il me casse la soirée. Toujours pareil, les têtes rouges là. Tu les vois pleines de haine sur leur visage et tout. Eh, laisse tomber, qu'est-ce que tu t'en bats les couilles de ce mec? Tu vois pas que c'est un trou du fion? Qu'est-ce que tu nous fais là? Non, bravo, toujours je vais laisser tomber. Y en a marre maintenant. Il croit quoi lui? Que j'ai débarqué hier? Y a qu'une seule chose que je sais, c'est que je suis né ici moi. C'est la Nocturne 100% rap français avec Virus au contrôle de la Nocturne avec nous. Virus oui, MC. Tout à fait. Minuit et dans les bacs. Donc ça, Ayam à l'instant aussi pareil. On parlait d'Oxmo, Ayam forcément, la lignée aussi pareil. Hein. Ouais, Akhenaton, ouais, grosse influence. Et puis, on a eu l'occasion de collaborer sur un morceau qui est sorti pour la Camouflage Tape en fait. Mmh. Une tape qui a été initiée par Colo Quinte à la base. Donc on a eu l'occasion de collaborer sur un morceau avec Perso et Sam de Colo Quinte aussi. Donc rencontre, tout ça. Donc. Voilà, non seulement une influence et puis en plus une bonne surprise quand parfois humainement parlant, ouais, voilà, on dit qu'on est déçu des rappeurs quand on les rencontre, on a une fausse image d'eux et on est déçu. Là pour le coup, pas déçu de la rencontre humaine, donc voilà, donc c'était un geste à la régulière quoi. Ce qui n'est pas le cas avec Alpha One qui est vraiment en plus il est en renfort DJ-Lo, donc non mais eux c'est différent encore, eux c'est des êtres à part. Alpha c'est quelqu'un de différent des autres. Ok, bah on en parlera dans quelques minutes. On part sur quoi, Virus? Je voudrais présenter un autre de mes invités, donc oui. Qui est Monsieur Malik. Ouais, bah, ouais. Du moins, il va se présenter tout seul parce que c'est un grand garçon. C'est moi le plus jeune en plus ici, donc je vais le laisser se présenter. Mais c'est un autre invité du projet. Donc Monsieur Malik. Monsieur Malik, je te laisse te présenter. Ouais, ouais. Ça va? Ça va, ça va. Bah, écoute, Malik. Bienvenue dans cette Nocturne. Je te remercie. On est là pour soutenir Virus. Toi, t'as un morceau qui s'appelle Change les choses, hein, sur l'album Minuit. Exactement. J'ai été invité par ce bon vieux Virus. Me voici en personne. De toute façon, je fais partie du collectif Jeff Lai. On marche en famille. Exactement. Ouais. Donc toi, bah, petit CV express, vas-y. De toute façon, le CV de rappeur est express, hein, Monsieur Malik. Il y a un projet sorti chez Jeff Lai. Il s'appelle Premier Vertige. Il est disponible sur jefflai.com. Ça a été fait avec Léon, avec Tismé, avec Jay Kid. Toujours avec la même famille et puis là, bah, présent sur le projet Minuit Virus, procurez-vous ça. Voilà, donc c'est le même collectif avec qui je travaille. Ouais. Donc c'est Jfly, J-A-Y-F-L-Y. Donc c'est un peu Icaz dont je parlais tout à l'heure en fait partie, qui est un beatmaker. J-Kid, l'autre beatmaker qui a grandement contribué à ce projet au précédent. On fait tous partie d'un collectif. Et donc Malik en fait partie aussi. Donc c'était impératif que ce soit au niveau. Qu'il soit présent. Voilà. Premièrement parce qu'il est de Jfly, mais surtout parce que c'est un artiste que j'apprécie et qui, si j'avais l'occasion de le mettre en avant, je pense que c'était le moment de le faire quoi. Et puis attention, on vous retrouvera aussi en fin de Nocturne en live, hein, tous ensemble. Oui, tous ensemble, ouais. avec ce bon vieux Philly Flingue, avec Kouros qui est là aussi, qui est un proche aussi, avec mon jeune ami SK aussi qui est dans le coin. Ouais. Donc voilà, il va avoir un live du freestyle convivial quoi. Et ben on est reparti là, pourquoi? On met quel morceau là? C'est Change les choses. Change les choses. Ouais. Avec Monsieur Malik. Monsieur Malik. Ouais. C'est parti. La Nocturne de Virus au contrôle. L'album est dans les bacs. Il s'appelle Minuit. Dans les bacs de midi. Apparemment vous n'y arrivez pas. Même parier par j'en en est arrivé là. Mais qui aurait parié ça, hein? Vous n'y arrivez pas. tout s'aligner là. Suivre en boîte et le bas, mais vivre on n'y arrive pas. Rare, comme une bédarde qui s'est mariée tard. Ou le sourire d'une femme battue quand son mari est là. L'amour est rare, et très peu d'hommes s'y sont ralliés car ils payent peu. Tous veulent du cash et jouent le même jeu, les mêmes yeux. Priant face aux billets verts, priant que ses fils les lèvent. Priant de ses crimes de guerre, dans mes pères. Sciemment, c'est que les diamants règnent. C'est que c'est pire qu'avant, on lui coupe la langue, il ne dit pas non. Et puis c'est quoi ce monde de merde? Je veux des bâtons au plafond, des moissons de rêve. Oui, taffons et cassons le bâton de grève. Oui, battons, nous soyons des dragons. Des frais, les bras dans l'échec, font les barons, les reines, acceptons les règles, ou bien bravons l'échec, éclatons les chaînes. Tout devient calme, on est frères. Oui, bafons le game, on ébarge, il est faible. On est l'arme de ces guerres et on est là de ces fers. Si on s'égare, on reprendra tout comme au départ. Jadis on voguait sur des bars comme nos ancêtres avant que les gens saignent. Et le préavènement des enfers, avant que nos sociétés tuent les valeurs, avant que les procès s'écument et que les grossesses décupent, ou bien que l'iris nous vide. De principe avant qu'ils plissent nous prie de tout quitter ou bien qu'ils fixent le prix. Éviter les sales ténèbres, il faut brasser, être grave, célèbre. Je vis écrit pour que mon âme s'élève. J'ai bien peur que tout ça s'efface. Et chaque drame me souligne que tout ça c'est falche. Et je suis coupable et lâche, impur et inculte dans l'ouvrage. Imprude et insulte en toute face. J'approche les cadors et arbore métaphore pour habiller mon être ou pour grappiller mon rêve. Et j'ose allier mon verbe à l'art quand le soir tard. Je refais le monde sans les guerres et les cadavres. La vue des bombes me dit que seule la vie se plombe. Et oui, la chute est longue, mais ici seule la suite. Virus. Avant que tout s'arrête, je dois changer les choses. Avant que toute la peine vienne en mêler mes proses. Vivre sa vie pour la peine, suivre l'envie pour la perdre. Avant que toute ma ferme vienne enchaîner les causes. Avant que tout s'arrête, je dois changer les choses. Avant que toute la peine vienne en mêler mes proses. Vivre sa vie pour la peine, suivre l'envie pour la perdre. Avant que toute la ferme vienne enchaîner les causes. Avant que tout s'arrête, je dois changer les choses. Avant que toute la peine vienne en mêler mes minutes. Vivre sa vie pour la peine, suivre l'envie pour la perdre. Des princes avec les deux genoux à terre. Avant que tout s'arrête, je dois changer les choses. J-Fly, J-Fly, Mini dans les vagues depuis le lundi 16. Virus, virusmc.fr, procurez-vous le truc. Le truc est bon. J-Kid. Ouais. La nocturne 100% rap français, on repart sur quoi messieurs? On va repartir sur un petit Caballero, il me semble. Un petit Caballero featuring Perso, viens voir. Donc gros morceau, Caballero MC de Bruxelles, très talentueux aussi. Donc éclatez-vous gratuitement pour la cause. Allez, on écoute tout de suite. Je vous y incite. Bienvenue dans mon monde, visite guidée. De là où on fait du bon son, sans l'espoir d'un jour finir friqué. Sans aucune timidité, on te montre comment ça se passe. Là où nos rêves se sont si vite brisés. Des lyrics si ce n'est, nous confond pas avec des MC Kaba et Tonton. Les rimes riches illimitées. C'est pour la terre mais surtout ce lieu paumé qui nous a rendu cru comme l'humour de Dieu donné. Prends le temps de t'asseoir, tu vas voir, les autres font pas le poids. C'est vrai qu'il envoie du lourd ce vieux drogué. Nike Air bien neuf, je marche dans la ville du vice entre les types futiles et les filles cupides. Raconte ma vie stupide avec un style subtil. Mic check, 1, 2, rien de neuf, encore un 10 sur 10. Ton parcours passe par ce rap, donc viens voir comme ça t'es fixé. Même si dans le fond ça te regarde pas. Viens voir, on fait les choses dans le gouffre entre nous. Vu que l'enfer c'est les autres. Viens toi, prêt, viens voir cette époque. Les décors là où les miens se croisent. Viens voir, on fait les choses entre nous, vu que l'enfer c'est les autres. Viens voir, cette époque, les décors là où les miens squattent. Perçant les styles de vie, les équipes de nuit, les kingpins, les victimes dans la ligne de mire. Tous visent le titre, dans le crime ou la rime, plein de tristes mines, mais pas de prime de risque. Faire le billet, vérifier les comptes, pour grimper t'as le choix, cirer ou scier les pompes. Viens le voir du Mirador, c'est chacun sa gueule. Mais à vivre œil pour œil, au mieux on finira borne. Là où les malins gagnent et les gentils perdent. gosse paumé, on prend la drogue pour un anti-stress. Y'a ceux qui fument le poison, ceux qui le boivent, ceux qui encaissent l'argent, ceux qui le doivent. Tu vois le cash passer, tu regardes pas la vérité en face. Pour en parler, tu es mal placé. Je lève le voile, M6 en cagoule, lexique sans tabou, j'exhibe les faces cachées. Viens voir, on fait les choses dans le gouffre entre nous, vu que l'enfer c'est les autres. Viens toi, prêt, viens voir cette époque, les décors là où les miens se croisent. Viens voir, Bruxelles, Avignon, Marseille, Caballero, perso. Viens voir, cette époque, les décors là où les miens squattent. C'est La Nocturne avec Virus au contrôle de La Nocturne, 100% rap français. Tout à fait, Voilà, à découvrir le projet qui s'appelle Minuit. Et là, donc, on écoutait Virus. On écoutait Caballero featuring Perso. Donc, Caballero qui est un très très bon MC bruxellois. Donc, voilà, proche également de mes amis Lo, Alpha, proche de l'entourage aussi. Très très fort en featuring avec Perso. Perso qu'on peut retrouver aussi, qu'on pourra trouver sur mon projet. Donc, pour les plus téméraires qui ont senti son talent, vous pouvez vous procurer ça et apprécier gratuitement un couplet de Perso. Et puis voilà, c'est un morceau que j'ai bien kiffé ces derniers temps, et puis ça me faisait plaisir de les mettre en avant, parce que c'est vraiment des MC que je respecte et que je trouve vraiment bon. Donc voilà, un petit c'est ce qu'on a pu faire à l'instant. Big up, quoi. Toi d'ailleurs, pour te suivre, pour avoir des infos sur toi, il y a évidemment tous les réseaux sociaux, hein. Tu nous disais moi grâce à internet j'ai pu me connecter avec plein de gens, donc je suppose que me connecter dans cette tu cliques pas mal et on peut te retrouver où alors? Alors Twitter, donc @virusmc comme le site, V-E-E-R-U-S-M-C. Le site internet c'est pareil, virusmc.fr. Et puis sur Facebook c'est pareil, facebook.com/virusmc, ou bien virus tout de suite, j'ai une page. Et voilà quoi, les principaux, tous les réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez suivre mes aventures et mes frasques. Il est friand de ça, le mec. Ah, il y a plein de frasques, plein d'aventures. J'ai une vie assez mouvementée, donc parfois il y a des choses drôles, il y a des petits délais qui s'expliquent par des événements plus ou moins drôles. Mmh. Donc faut se connecter à ça. On rigole bien, c'est assez convivial. Et allez cliquer, allez suivre Virus, notre invité pendant une grosse demi-heure encore dans La Nocturne. On repart sur quoi, Virus? Là, on va repartir sur Les Étoiles, donc qui a été le premier extrait du projet. Il y a un clip qui est sorti aussi, Les Étoiles, produit par Icas toujours. Donc voilà, on part sur ça. C'est le premier morceau que les gens ont pu découvrir pour le EP. Et voilà, je suis particulièrement fier de celui-ci. Et on y va maintenant sur Skyrock. Gros Virus, Icas, même s'il a pas pu être là. D'abord je commence quand elle s'aligne et gamberge la nuit. C'est méchant, c'est j'enseigne pendant qu'ils enchaînent la weed, jusqu'à avoir le ciel comme décor avec de vrais torts. Et les pieds dans la merde pour nager dans les nuages sans effort. Qui gouverne et qui croire, je suis comme une guerre stratégique mais ouverte, donc je bouleverse l'histoire. Je suis couvert comme celle qui porte le voile. Décalage avec les talaïques, je vois le RSA comme l'euthanasie. Et pire encore, rime en or, je prie encore, vie sans drogue, sans tes billets, être philanthrope, brillant comme celle que je rêvais d'être, visant l'avenir de ma fenêtre. Puis le rap assassine à ma jeunesse, mais je compris que j'étais un prince le jour où j'ai touché un mic. Une évidence, suprématie contre résistance. Tellement d'avant j'ai vu les pyramides en chantier, tellement d'avant j'ai vu naître celle qui m'a enfanté. Vie, je t'emmène marcher sur les traces de mon parcours futur. Sans cicatrice, mais nos vies elles parcourent plus sûr. Allez checker le clip sur YouTube, Virus, Les Étoiles. Gros big up à I Don't Give a Prod pour le clip. Vivre plus près des étoiles, les rythmes, les espoirs filant brut comme les étoiles. On est éteint depuis jeune, je suis l'étincelle qu'ils veulent, je suis l'or de l'art. Prie pour que mes radios me sortent de là. y'a pas une rime que je ne visite. Je suis le jeune vizir. Tant son papa comme un keuf avec un gun visible. Je bluffe, j'irrite, pas thug, mais mes schémas rythmiques. Impose le respect comme une sœur timide face à un videur sinistre. Je mélange les couleurs et change les douleurs. Référence comme les pages jaunes, discrimine comme l'étoile jaune. J'avais déjà l'allure du génie sur mes photos de classe. Tu veux voir l'avenir de ce pays, prends une photo de moi. Ils disent que la vie est pénible dans mes propos, ils veulent quand même poser avec vie comme s'il était photographe. Les flashs repassent en tasse, les actions tu compares, mais on ne mélange pas les comètes et les avions. Je m'excuse d'être intelligent quand l'art domine, quand les autres ne pensent qu'au liquide comme un alcoolique. J'ai presque plus de larmes, n'efface plus de joie. Ouvre grand les yeux, les étoiles ne passent qu'une fois. Ne passent qu'une fois. Ne passent qu'une fois. Le Seigneur en personne est dans la putain de place. Je te prête allégeance, mon Seigneur, au sens féodal du terme. Vu, yeah. Je t'emmène marcher sur les traces de mon parcours futur. Sans cicatrice, mais nos vies, elles parcours l'usure. Esquive le désespoir. 1-8-7, même avec une jambe en moins. Décider pour prier plus près des étoiles. Désespoir, vivre plus près des étoiles. Et rythme mes espoirs. Filant brut comme les étoiles. On est éteint depuis jeune. Je suis l'étincelle qu'ils veulent. Je suis l'or de l'art. Prie pour que mes ratures me sortent de là. Hein? Minuit. Allez tous suivre mon gars Ika sur les réseaux sociaux, qui est l'auteur de cette prod. @IkazBoy, IkazBoy, sur tous les réseaux sociaux, allez le checker. C'est le salopard le plus chaud du moment, je pense. IkazBoy. C'est jeune Ikaz garçon. On enchaîne avec gros mots. Perpignan. Grosse casse des Danemir. Lourd. Everydays. Le néo-bruxellois. Un gros mot. Rien à battre, je m'en tape des keufs. Quand je prends large, minimum 100 grammes, jamais assez de jeff. Prends balle, on smoke sans mal, pour ton garde tes bluffs. Ouais, t'es gofas, t'es gofas, je m'en bats les yeux. Ouais, mon gros, je tape sur des gros bails, que de café blood. Grosse barbe à la Socrate, à la Jack Erreur. J'traumatise les gros niages, leur claque les seuls. Ouais, faut que je fasse trop fat, gros, mon taf fait le spell. Gros life, t'as pas gâché le scud. Ça t'es creuve. À part ça, j'fais ça pour le pognon, pour mon paiement. Pour que les lobes, ça me trouve mignon, me trouve clément. J'te ken, j'te défais pas le chignon, j'fais mon feignant. Donne-moi ton fion, pas ton opinion. Fais-le vraiment, fais-le vraiment, fais-le, fais-le vraiment. Fais-le vraiment, fais-le, fais-le vraiment. Fais-le vraiment, fais-le, fais-le vraiment. Si tu veux pour quel grand rentrer dedans. Fais-le vraiment, vraiment. Le 66 dans la putain de place. Gros mot. On n'a pas fait le buzz. Prolique chargé dans la trachée que les puissants parfaits creusent. Produit graillé pour le cacher quand la pute plaque nous seule. Promis, je tâcherai de pas me fâcher si ta pute plaque ta stuff. Ouais, à coup c'est garde ton gueule. C'est pas que j'ai le seul. Mais quand t'as ton képi, t'es pas le même que. Crois pas que je me méfie de toi, de ton équipe quand je marche seul. On ne s'aime pas, c'est évident. Je me pavane en évitant. Les barrages, les vérifs, la parfait, la PJ, je mets banane au président. À part ça, je fais ça pour le pognon, pour mon paiement. Pour que les nobs, ça me trouve mignon, me trouve clément. Je te ken, je te défais pas le chignon, je fais mon feignant. Donne-moi ton fion, pas ton opinion. Fais-le vraiment, fais-le vraiment.